Merci pour cette lecture, pour cette conduite de louange. Merci à tous. Alors, sans surprise, nous allons voir ce matin la Samaritaine. Alors, je me tournerai un petit peu vers, je répète ce que j'ai dit au début, hein, je me tournerai un petit peu plus peut-être vers nos amis ici qui lisent sur les lèvres. Alors, je ne vous blouse pas, hein, pas du tout. Snob, pas, pardon. Je m'adresserai aussi à eux pour qu'ils puissent entendre comme chacun d'entre nous. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est à travers cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est comment Jésus fait de nous ses messagères et ses messagers. Et j'aimerais juste que nous puissions avoir ce fil rouge sur cette prédication, verset très connu, verset bien connu, mais qui, je pense, est en fait le contexte très large du passage que nous avons lu tout à l'heure. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce fil rouge qui nous conduira ce matin dans la prédication. C'est au bord de ce puits, dans le contexte plus large de l'amour de Dieu pour chacun, dans l'absence de toute condamnation et de tout jugement, à travers le salut que le Christ nous offre gratuitement, que se situe le texte sur lequel je vous propose de nous arrêter ce matin. C'est là, au bord de ce puits, que Jésus, fatigué, assoiffé, rencontre une femme altérée, abîmée, marginalisée et préjugée. C'est là, au bord de ce puits de Jacob, de ce Jacob, l'ancêtre de toutes nos luttes avec Dieu, que le Christ va restaurer une femme pour en faire sa messagère de salut. Et ce matin, tant pis pour les disciples qui étaient allés faire des courses, et je pousserai même la hardiesse pour dire que la Samaritaine est la première femme apôtre que l'Évangile nous rapporte, et cela bien avant les disciples restés sans voix, et bien avant les femmes au matin de la résurrection. Pourtant, cette femme, l'histoire de cette rencontre commence mal. Ou plutôt, les circonstances d'une aussi belle rencontre n'étaient pas réunies. Et dans ce tableau si obscur, dans ces impasses, dans ces retranchements de genre, de sexisme, de communautarisme, dans ces débats incessants entre le pur et l'impur, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, moi je suis quand même émerveillé. Émerveillé de voir combien une parole de grâce a pu se frayer un chemin jusque dans le manque le plus profond de cette femme, un manque bien plus profond que le puits de Jacob. Alors non, Jésus ne s'est pas trompé de chemin. Son GPS était bien connecté, tous les chemins possibles étaient là devant lui. Sa cartographie était complètement à jour. Jésus n'était pas obligé de passer par la Samarie. Et comme tout bon juif religieux de son temps, il aurait pu faire un détour. Un détour certes plus long, mais tellement plus agréable. Alors si on voit la cartographie mentalement, on la connaît, il aurait donc longé les bords du lac de Tibériade, bien à l'ombre. Ça lui aurait évité de traverser la Samarie en plein cagnard. Ça lui aurait évité le coup de chaud, la fatigue du chemin et la soif. C'est sûr. Il y avait un autre chemin pour Jésus, le chemin de la facilité, le chemin de l'évitement, le chemin de la fuite devant le dialogue, devant la possibilité d'une conversation de salut. Mais parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, mais parce que ce n'est pas encore le moment du jugement, mais celui de la grâce, Jésus obéit à une obligation, à un impératif de cette grâce. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Quelle douce obligation, n'est-ce pas ? Quelle douce obligation à laquelle Jésus n'a pas résisté, pour que le monde soit sauvé par lui, pour que je sois sauvé par lui. Alors nous connaissons l'histoire, elle est longue, il arrive à Sichar. Alors Sichar, selon les linguistes, c'est une déformation du nom de Sichem. Alors Sichar, ça veut dire la ville des ivrognes. C'est une parole populaire, c'est l'argot du temps de Jésus. Et ce mot renforce tous les préjugés entre juifs et samaritains. Sichar, ville des ivrognes ou ville des assoiffés, le texte nous dira plus tard de quoi les habitants de Sichar avaient vraiment soif. Mais cette distance entre juifs et samaritains est tellement grande que Jean, nous l'avons remarqué, nous fait un commentaire, il nous fait un aparté pour bien qu'on comprenne. En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ou pour être plus clair, dans le contexte que cette histoire nous révèle, ils ne boivent pas dans le même verre. Ce qui risque de poser un sérieux problème lorsqu'il s'agira de boire de l'eau vive ou de prendre la Seine-Seine. Il y a un manque de relation, il y a un manque de communication entre les Juifs et les Samaritains. Alors toujours pareil, hein, ça tourne toujours autour des mêmes sujets, au sujet de la théologie, au sujet de la liturgie, au sujet de l'application des textes de la Torah, au sujet d'un lieu où il paraît qu'on adore mieux dans ce lieu-là plutôt que dans un autre, au sujet d'une montagne jugée plus haute ou plus sainte que l'autre, où chacun fait son culte séparément, à sa façon, en se croyant plus pur que son voisin. Et Jésus va remettre de l'ordre dans tout ça, à travers la rencontre de cette femme de Samarie. Mais l'amour de Dieu, mais cet amour de Dieu pour nous, pour cette femme, pour sa messagère, pour la missionnaire que Jésus voit déjà en elle et qu'elle deviendra, cet amour est si grand que dans la fatigue, dans sa fatigue la plus parfaite, dans sa vulnérabilité la plus vraie, Jésus, assis au bord du puits de Jacob, de celui qui a tant lutté pour exister, Jésus fait une demande à la femme de Samarie qui va la faire exister, qui va la faire naître d'abord à ses propres yeux, mais aussi et surtout aux yeux de Jésus. Donne-moi à boire. Pourtant, cette femme avait tout fait. Elle avait tout fait pour passer inaperçue. Elle avait changé ses habitudes. Elle vivait en horaire décalé. Elle ne venait plus ni le matin ni le soir comme font toutes les femmes. Elle avait choisi de puiser en plein midi pour être sûre de ne croiser le regard de personne. Elle puisait en plein midi, là où il fait le plus chaud, là où l'ombre est la plus courte. Elle voulait être une ombre, disparaître, être invisible, se camoufler, pour étouffer sa personne, sa personnalité, sous l'épais manteau de la honte. Donne-moi à boire. C'est parce qu'une parole lui est adressée, parce qu'à ce moment-là, elle est regardée par le Christ, que toute son histoire ressurgit en une fraction de seconde, au moment où cette parole de Jésus frappe à son cœur, au moment où le Christ la voit comme une personne, parce que pour elle, comme pour nous, ce n'est pas encore le temps du jugement, mais le temps du salut. Mais cette demande de Jésus ne l'extrait pas cependant de la confusion dans laquelle elle se trouve. et dont le dialogue qui suit nous montre l'ampleur. Alors, tout d'abord, elle prend Jésus pour un juif, alors qu'il est galiléen. En Jacob, elle parle de Jacob, hein, vous vous en souvenez, elle convoque la tradition, la qualité d'une eau ancestrale. Alors c'est vrai que les habitudes et même la tradition ont la peau dure. Jésus, lui, il va lui parler de celui qui donne, de celui qui donne et de celui qui se donne. Elle lui renvoie qu'il n'est pas équipé pour puiser. La Samaritaine lui parle d'un puits profond. Jésus lui parle d'une source d'eau vive qui désaltère pour toujours. Elle, toujours enfermée dans la matérialité de son besoin, dans ce quotidien honteux dont elle désire cependant s'extirper, elle lui demande « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus met un terme à ce quiproquo, à une discussion qui n'avance pas, une discussion stérile, pour l'amener sur un autre terrain, pour l'amener sur le terrain de la vérité du cœur. Deux versets, psaume 51, Genèse 17, merci. Tu veux, dit le psaume 51, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ce que nous rappelle le psaume 51, psaume de David. Et un autre verset dans Genèse 17 dit à propos d'Abraham, marche devant moi et sois intègre, marche en ma présence et sois vrai, avait dit donc l'Éternel au patriarche Abraham. Et le texte nous dit qu'il avait 99 ans. Qui c'est qui a 99 ans parmi nous? Non. Il y a de l'espoir, mes frères et sœurs. Il y a de l'espoir que l'on change et que l'on soit intègre devant Dieu. Alors, va, appelle ton mari et surtout, reviens ici. Reviens ici. C'est Jésus qui va mettre le doigt sur un passé enfoui et douloureux. Il lui donne par là même l'occasion d'exposer son manque au grand jour. N'oublions pas, il était midi, et non pas comme la venue de Nicodème où c'était la nuit. Il lui donne l'occasion d'exposer son manque au grand jour, de parler vrai, de parler juste, de dire sa soif à elle. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Alors, ce n'est pas encore un dévoilement complet. Ce n'est pas encore quelque chose de elle ne se dévoile pas complètement. Sans doute qu'elle craignait encore d'être mal jugée. Après tout, elle ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus, voyez-vous, il valorise cette parole comme un premier pas vers un parler authentique, vers une vérité qui va la libérer du jugement des autres, alors que lui, il n'est pas venu pour la juger, mais pour la sauver. Tu as raison, tu dis vrai, tu as parlé dans la vérité. C'est ce qu'il lui dit en fait, il la félicite, il l'encourage. Et je vais te dire ce qu'il en est. Tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc ça fait le 6e, et ce n'est pas son mari. Et pendant plus de 2000 ans, les grands moralisateurs que nous sommes, eh bien, nous nous sommes engouffrés dans ce que Jésus nous révèle du passé de cette femme. Oh, pas pour la juger. On n'est pas comme ça, n'est-ce pas? On ne juge pas. Nous, on ne juge pas. On ne juge pas. C'est Jésus qui juge ou qui jugera. Mais pas pour la juger, parce qu'on n'est pas comme ça. Mais pour avoir tout au moins une opinion sur sa vie. Ça va, oui, 5 maris. Elle est belle, la vie. 5 maris. Et le 6e, là, c'est même pas son mari. Une femme qui a dû bien profiter de la vie. Mais réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. De quoi la femme de Samarie est-elle coupable? Était-ce sa faute si elle n'était pas née du bon côté, dans le mauvais pays? Était-ce une malédiction que d'être née femme? Était-ce de sa faute d'avoir été ballottée de mari en mari à cause d'une infidélité que rien ne nous dit que ce soit la sienne hein, dans le texte hein, ou alors à cause d'une mort prématurée ou pire encore à cause d'une loi stupide dictée par des hommes sans amour. Mais quelle est cette lecture inhumaine de la loi qui autorise de se séparer de sa femme à cause d'un plat brûlé ou pour un lit mal fait, au lieu de protéger celle qui est la plus faible? Et si cette femme de Samarie était une victime? Et si jusqu'à présent, personne ne l'avait regardée, ne lui avait parlé, comme Jésus, ce jour-là, en plein midi, au bord de ce puits? Jésus sera toujours du côté des plus faibles. Et il y a un proverbe de la sagesse de Ben Sira qui dit la chose suivante. Les larmes du pauvre ou du faible coulent sur la joue de Dieu. Alors tu as raison. Tu as raison, tu dis vrai, tu as parlé dans la vérité. Tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari, mais je ne te juge pas. Je ne te juge pas, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les paroles de Jésus exemptent de jugement de la moindre tentative de l'obliger à changer la touche. C'est le salut qui frappe à sa porte. Et elle y voit, dans ses paroles, elle y voit le signe de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un de clairvoyant, d'un prophète. Alors je relève comme vous qu'elle se met à parler du Messie au moment où Jésus lui parle d'un Dieu qu'on adore dans la vérité, dans cet espace d'esprit et de vérité qui vient justement de s'ouvrir devant elle en réponse à la vérité qui est en Christ et à la vérité de son propre cœur. Je sais, dit-elle, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Au de ce Messie, nous le savons, on attendait, chacun en attendait une libération. Mais son espérance, sa soif à elle, c'est qu'un jour, quelqu'un vienne avec qui elle pourrait être vraie, parler vrai, avec qui elle ne craindrait pas de dire ou d'entendre les choses comme elles sont, sans esprit de jugement, quelqu'un qui lui donnerait aussi l'envie de faire de même. Je le suis. Je le suis, moi, qui te parle. Elle attendait un Messie qui annonce. La voici devant un Messie qui lui parle. Voilà à cet instant même la parole qui libère, une parole qui nous parle, qui nous sauve, une parole qui dit la vérité sans blesser, sans forcer, sans juger. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est à ce moment-là que la vie de cette femme bascule, qu'elle laisse enfin sa jarre ou sa cruche parce qu'elle a trouvé dans le Messie une parole de pardon, une parole à habiter, une parole vraie pour y demeurer, une parole pour s'y prosterner en esprit et en toute vérité. Si vous demeurez dans ma parole, si vous habitez la parole de ce moi qui te parle, la vérité te rendra libre. Alors, elle part. Elle part et elle n'est pas envoyée. Elle, comme les disciples qui attendent toujours le mandat pour y aller, mais elle part spontanément, libre de tout préjugé, des regards accablants, parce que dans le Messie, elle a été regardée. Elle part vers les siens, vers le village des ivrognes, vers le village des assoiffés, pour annoncer cette parole de vérité qui libère des regards biaisés et des coups de menton. Elle peut vivre libre du poids de son passé, parce que dans le Messie, il lui a été parlé sans aucune arrière-pensée. Et son message, il est bouleversant de simplicité. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Alors, si nous allions à Sichar aujourd'hui, je ne sais pas si le puits existe toujours. Je ne sais pas s'il est là. Et si j'y allais, si nous y allions, en voyage organisé, je ne pense pas que nous y rencontrerions l'homme de Galilée assis sur le puits. Je ne sais pas même, au final, si dans cette histoire, cette femme lui a donné à boire. Je ne pense pas. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, je connais un lieu. Je connais un lieu de salut, une source jaillissante. Où en plein midi, là où les ombres raccourcissent, un homme fatigué par le poids de mon péché a été crucifié. Alors ce n'est plus au bord d'un puits, mais au pied de la croix que le Christ t'invite aujourd'hui à laisser ta cruche, pour boire à la source du salut et de la grâce, à goûter ce don de Dieu, cette vie éternelle. C'est à la croix et non pas au puits de Jacob que, dans un ultime effort, Jésus formule sa demande qu'il lance à toute l'humanité, qu'il te lance à toi ce matin, aujourd'hui. J'ai soif. Amen.